Chapitre 5. Deuxième révolution. Changement dans la constitution de la famille. Le droit d'aînesse disparaît. L'agence se démembre. La révolution qui avait renversé la royauté avait modifié la forme extérieure du gouvernement, plutôt qu'elle n'avait changé la constitution de la société. Elle n'avait pas été l'œuvre des classes inférieures, qui avaient intérêt à détruire les vieilles institutions, mais de l'aristocratie qui voulait les maintenir. Elle n'avait donc pas été faite pour renverser la constitution antique de la famille, mais bien pour la conserver. Les rois avaient eu souvent la tentation d'élever les basses classes et d'affaiblir les gentes, et c'était pour cela qu'on avait renversé les rois. L'aristocratie n'avait opéré une révolution politique que pour empêcher une révolution sociale. Elle avait pris en main le pouvoir, moins pour le plaisir de dominer que pour défendre contre des attaques ses vieilles institutions, ses antiques principes, son culte domestique, son autorité paternelle, le régime de l'agence et enfin le droit privé que la religion primitive avait établi. Ce grand et général effort de l'aristocratie répondait donc à un danger. Or il paraît qu'en dépit de ses efforts et de sa victoire même, le danger subsista. Les vieilles institutions commençaient à chanceler, et de graves changements allaient s'introduire dans la constitution intime des familles. Le vieux régime de l'agent, fondé sur la religion domestique, n'avait pas été détruit le jour où les hommes étaient passés au régime de la cité. On n'avait pas voulu ou on n'avait pas pu y renoncer immédiatement, les chefs tenant à conserver leur autorité, les inférieurs n'ayant pas tout de suite la pensée de s'affranchir. On avait donc concilié le régime de l'agent avec celui de la cité. Mais c'était au fond deux régimes opposés que l'on ne devait pas espérer d'allier pour toujours et qui devaient un jour ou l'autre se faire la guerre. La famille, indivisible et nombreuse, était trop forte et trop indépendante pour que le pouvoir social n'éprouvât pas la tentation et même le besoin de l'affaiblir. Ou la cité ne devait pas durer, ou elle devait à la longue briser la famille. L'ancienne gens, avec son foyer unique, son chef souverain, son domaine indivisible, se conçoit bien tant que dure l'état d'isolement, et qu'il n'existe pas d'autre société qu'elle. Mais dès que les hommes sont réunis en cité, le pouvoir de l'ancien chef est forcément amoindri, car en même temps qu'il est souverain chez lui, il est membre d'une communauté. Comme tel, des intérêts généraux l'obligent à des sacrifices, et des lois générales lui commandent l'obéissance. À ses propres yeux et surtout aux yeux de ses inférieurs, sa dignité est diminuée. Puis, dans cette communauté, si aristocratiquement qu'elle soit constituée, les inférieurs comptent pourtant pour quelque chose, ne serait-ce qu'à cause de leur nombre. La famille, qui comprend plusieurs branches et qui se rend au comice entourée d'une foule de clients, a naturellement plus d'autorité dans les délibérations communes que la famille peu nombreuse et qui compte peu de bras et peu de soldats. Or, ses inférieurs ne tardent guère à sentir l'importance qu'ils ont et leur force. Un certain sentiment de fierté et de désir d'un sort meilleur naissent en eux. Ajoutez à cela les rivalités des chefs de famille, luttant d'influence et cherchant mutuellement à s'affaiblir. Ajoutez encore qu'ils deviennent avides des magistratures de la cité, que pour les obtenir ils cherchent à se rendre populaires, et que pour les gérer, ils négligent ou oublient leur petite souveraineté locale. Ces causes produisirent peu à peu une sorte de relâchement dans la constitution de l'agent. Ceux qui avaient intérêt à maintenir cette constitution y tenaient moins. Ceux qui n'avaient intérêt à la modifier devenaient plus hardis et plus forts. La force d'individualité qu'il y avait d'abord dans la famille s'affaiblit insensiblement. Le droit d'aînesse, qui était la condition de son unité, disparut. On ne doit sans doute pas s'attendre à ce qu'aucun écrivain de l'Antiquité nous fournisse la date exacte de ce grand changement. Il est probable qu'il n'a pas eu de date, parce qu'il ne s'est pas accompli en une année. Il s'est fait à la longue, d'abord dans une famille, puis dans une autre, et peu à peu dans toutes. Il s'est achevé sans qu'on s'en fût, pour ainsi dire, aperçu. On peut bien croire aussi que les hommes ne passèrent pas d'un seul bond de l'indivisibilité du patrimoine au partage égal entre les frères. Il y eut vraisemblablement, entre ces deux régimes, une transition. Les choses se passèrent peut-être en Grèce et en Italie, comme dans l'ancienne société hindoue, où la loi religieuse, après avoir prescrit l'indivisibilité du patrimoine, laissa le père libre d'en donner quelques portions à ses fils cadets. puis, après avoir exigé que l'aîné eût au moins une part double, permit que le partage fût fait également, et finit même par le recommander. Mais sur tout cela, nous n'avons aucune indication précise. Un seul point est certain, c'est que le droit d'aînesse a existé à une époque ancienne, et qu'ensuite il a disparu. Ce changement ne s'est pas accompli en même temps, ni de la même manière dans toutes les cités. Dans quelques-unes, la législation le maintint assez longtemps. À Thèbes et à Corinthe, il était encore en vigueur au 8e siècle. À Athènes, la législation de Solon marquait encore une certaine préférence à l'égard de l'aîné. À Sparte, le droit d'aînesse a subsisté jusqu'au triomphe de la démocratie. Il y a des villes où il n'a disparu qu'à la suite d'une insurrection. À Héraclée, à Cnide, à Istros, à Marseille, les branches cadettes prirent les armes pour détruire à la fois l'autorité paternelle et le privilège de l'aîné. À partir de ce moment, telle cité grecque, qui n'avait compté jusque-là qu'une centaine d'hommes jouissant des droits politiques, en put compter jusqu'à 500 ou 600. Tous les membres des familles aristocratiques furent citoyens, et l'accès des magistratures et du Sénat leur fut ouvert. Il n'est pas possible de dire à quelle époque le privilège de l'aîné a disparu à Rome. Il est probable que les rois, au milieu de leur lutte contre l'aristocratie, firent ce qu'ils purent pour le supprimer et pour désorganiser aussi les gentes. Au début de la République, nous voyons 100 nouveaux membres entrer dans le Sénat. Tite Live croit qu'il sortait de la plèbe. Il se contredit d'ailleurs. « Ex primoribus ordinis equestris », dit-il. Or les primores de l'ordre équestre, c'est-à-dire les chevaliers des 6 premières centuries, étaient des patriciens. Mais il n'est pas possible que la domination si dure du patriarcat ait commencé par une concession de cette nature. Ces nouveaux sénateurs durent être tirés des familles patriciennes. Ils n'eurent pas le même titre que les anciens membres du Sénat. On appelait ceux-ci « patresses », chefs de famille. Ceux-là furent appelés « conscripti ». On distingua pendant plusieurs siècles les patresses des conscripti. Cette différence de dénomination ne permet-elle pas de croire que les 100 nouveaux sénateurs, qui n'étaient pas chefs de famille, appartenaient à des branches cadettes des gentes patriciennes? On peut supposer que cette classe des branches cadettes, nombreuses et énergiques, n'apporta son concours à l'entreprise de Brutus et des pairs qu'à la condition qu'on lui donnerait les droits civils et politiques. Elle acquit ainsi, à la faveur du besoin qu'on avait d'elle, ce que la même classe conquit par les armes à Héraclée, à Cnide et à Marseille. Le droit d'aînesse disparut donc partout, révolution considérable qui commença à transformer la société. Les différentes branches se séparèrent. Chacune d'elles eut désormais sa part de propriété, son domicile, ses intérêts à part, son indépendance. Singuli singulas familias incipiunt habere, dit le jury consulte. Il y a dans la langue latine une vieille expression qui paraît datée de cette époque. Familium ducere, disait-on de celui qui se détachait de l'agent et allait faire souche à part, comme on disait dulcere coloniam, de celui qui quittait la métropole et allait au loin fonder une colonie. Le frère, qui s'était ainsi séparé du frère aîné, avait désormais son foyer propre, qu'il avait sans doute allumé au foyer commun de l'agent, comme la colonie allumait le sien au prytané de la métropole. L'agence ne conserva plus qu'une sorte d'autorité religieuse à l'égard des différentes familles qui s'étaient détachées d'elle. Son culte eut la suprématie sur les cultes. Il ne leur fut pas permis d'oublier qu'elles étaient issues de cette gens. Elles continuèrent à porter son nom, et à des jours fixés, elles se réunirent autour du foyer commun, pour vénérer l'antique ancêtre ou la divinité protectrice. Elles continuèrent même à avoir un chef religieux, et il est probable que l'aîné conserva son privilège pour le sacerdoce, qui resta longtemps héréditaire. À cela près, elles furent indépendantes. Ce démembrement de la gens eut de graves conséquences. L'antique famille sacerdotale, qui avait formé un groupe si bien uni, si fortement constitué, si puissant, fut pour toujours affaibli. Cette révolution prépara et rendit plus facile d'autres changements.